À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Lia. Bonjour Catherine. Donc aujourd'hui, Ralentir pour vivre va toujours parler de l'épuisement, seulement nous allons découvrir et partir à la découverte d'un sujet dans lequel ça va peut-être surprendre certains auditeurs, qui est probablement parallèle à première vue. Par contre, si on regarde bien, c'est un des points les plus importants dans le problème de l'épuisement. On va donc plonger dans le domaine des besoins. Les besoins, quels sont-ils? Comment sont-ils? À quoi répond-on actuellement? Alors, pour démarrer ce sujet un petit peu particulier, je voudrais refaire un petit pas en arrière. Il y a 20 ans en arrière, quand moi-même j'étais victime d'un burn-out, pour une raison tout à fait anodine, j'écrivais des textes de chansons, c'était thérapeutique pour moi par rapport à des choses que j'avais vécues. Et dans un des textes de la chanson, il y avait le mot « consommation ». Et donc, j'ai pris le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Larousse, c'était en 2008 à peu près que j'ai écrit ce texte. Le dictionnaire était de 2004. Et en lisant la définition, je cherchais des mots qui sonnaient, enfin bref. Et j'ai lu la chose suivante que je tiens absolument à vous lire. Pour la bonne et simple raison que c'est une matière à réflexion qui est tout à fait d'actualité avec le phénomène de l'épuisement. Donc, sous consommation dans le Larousse 2004, il y avait évidemment la définition de consommer, c'est donc de faire usage de quelque chose. Et ensuite, il y avait société de consommation, société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératif au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. Alors, Lia, je te laisse imaginer la réaction que j'ai eue à la lecture. Ah bah oui, j'imagine. Donc, vraiment, tout ce qui peut être du côté humain est mis de côté. Ce qu'on veut, c'est qu'on érige en impératif la consommation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, forte de cette définition qui m'a choquée à l'époque, puisque je me rendais bien compte que j'allais devoir changer de rythme de vie, de vivre probablement avec 3 fois moins qu'avant, probablement 3 fois mieux, mais il fallait faire ce passage parce que c'était quand même un très, très difficile passage parce qu'on a des habitudes, on a tous des habitudes. Forte de cette signification qui était pour moi choquante, je regarde un dictionnaire des années 80 et là je lis « Société de consommation non parfois donnée aux sociétés des pays industriels avancés dans lesquels les besoins élémentaires étant considérés comme assurés pour la majorité de la population, les moyens de production et de commercialisation sont également aptes à répondre à des besoins multiformes, sans cesse renouvelés et qui sont fréquemment très factices. » Quand on lit ça, on se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau ? Il y a eu quoi là ?» Parce que factice, si je prends la définition, moi j'aime bien les définitions, parce que comme ça, ça nous met un cadre. Factice, c'est faux, imité, qui n'est pas naturel, fin, simulé, qui résulte des habitudes culturelles. Donc en fait, en 80, on avait encore la notion qu'on nous crée des besoins inutiles. Et si je lis celle de 73, alors là, elle vaut l'os aussi, société, non parfois donnée aux sociétés des pays industriels avancés, dans lesquels les besoins alimentaires étant considérés comme assurés pour la majorité de la population, les moyens de production et de commercialisation sont orientés pour répondre à des achats multiformes, souvent artificiels et superflus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau? Parce qu'artificiel, c'est inutile qui est en trop, ce qui excède le nécessaire. Factice, c'est faux, imité, qui n'est pas naturel, donc on a dit. Et artificiel, c'est trompeur, qui n'affecte que la partie extérieure, l'apparence, l'illusoire. Donc, quels sont nos besoins en 2024? Parce que cette définition, déjà, qui était très lourde, bon, elle a beaucoup évolué. Je n'ai pas sorti la définition de 2024, mais en gros, on a gommé tout. J'ai toujours pensé que dans ce dictionnaire Larousse de 2004, il n'y avait pas eu de censure. Je pense que c'était écrit trop petit, donc ça n'avait pas été lu. C'est pas possible que c'est passé, ça. Ça. Au détriment de toute autre exigence humaine, non, c'est pas possible. Ça fait peur. Oui, à mon avis, il y a une censure qui n'a pas été faite, là. Le gars, il s'est endormi devant la télé et puis il n'a pas lu et puis il est passé à la suivante et puis il n'a pas réalisé ce qui était écrit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans nos cerveaux? Ce qui était les choses nécessaires, donc on les a. Donc maintenant, pour faire fonctionner, on peut imaginer une grosse machine, on nous crée sans cesse des nouveaux besoins et on doit en impératif les consommer pour faire fonctionner la machine. D'accord. Donc là, on revient à l'épuisement et appelé plus communément burn-out. Souvent, les personnes me disent « Oui, mais vous comprenez, il faudrait qu'on change de vie, et puis voilà, et puis on a des besoins. Quels sont nos réels besoins ?» Et ça, c'est une question qui est au centre même de ralentir. Parce que si on ralentit, on ralentit aussi ses ressources. Disons qu'on priorise, quoi. Voilà. Mais on priorise comment ? Ben voilà, il faut savoir ce dont on a besoin. Oui, et dans quel sens? Alors, on va écouter une toute petite audio, toute simple, une minute, pour la pyramide des besoins selon Maslow, mais ensuite on entendra quelque chose de plus intéressant pour creuser un peu et prendre ce temps de réflexion. Quels sont réellement mes besoins? Ai-je rempli les besoins qui ont du sens? Ou est-ce le fait qu'ils n'ont pas de sens que ça me fait péter une rondelle? En gros, on va en arriver à cette conclusion. Donc là, on va écouter une petite audio. Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le principe de la théorie de Maslow, dit la pyramide des besoins. Ce principe de classification est divisé en 5 besoins. Le premier est le besoin physiologique. Il comprend tous les besoins primaires, tels que manger et respirer. Le deuxième est le besoin de sécurité, tels que protéger son corps de la météo, celui des autres, et protéger ses biens. Le troisième est le besoin d'appartenance. C'est le premier besoin relationnel, avoir des amis et une famille. Le quatrième est le besoin de l'estime. C'est être bien dans son corps, avoir une bonne estime de soi. C'est le respect des autres et par les autres. Le cinquième et dernier est le besoin de l'auto-actualisation. C'est la notion de moralité qui est très forte ici. C'est se poser les bonnes questions, c'est développer sa personnalité. Cette classification des 5 besoins des individus est représentée sous forme pyramidale. Ce principe humaniste est à la base des sources de motivation de chacun. Donc là, on a entendu clairement les besoins élémentaires. Les besoins élémentaires qui passent par tout ce qui nous est utile pour être vivant, ensuite la sécurité et les besoins aussi de partage et d'avoir du sens quand même pour nous dans la société. Ça, ce sont des principes qui sont à regarder pour pouvoir faire des priorités. Mais comment faire des priorités? Lia, t'as une idée, toi, de comment faire des priorités? Ben en fait, il faut se poser question. Déjà, moi, quand, par exemple, quand je me sentais pas bien, mon médecin me disait « Écoutez, madame, il faudrait savoir un petit peu ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez gagner bien votre vie ou rester en bonne santé ?» Je pense que la priorité, peut-être, à ce moment-là, pour moi, était celle-ci, c'était de rester en bonne santé. Donc, c'était ma priorité. Après, c'est compliqué hein, dans cette société. C'est ça. Par contre, c'est compliqué et puis ça demande aussi un peu de recul et on est toujours dans le même problème de l'épuisement, c'est-à-dire que le regard des autres, la fameuse culpabilisation dont on a parlé avant, si je n'achète pas ça à mes enfants, je me sens coupable parce qu'ils ne correspondent pas aux dictats de la société. Je ne me coupe pas les cheveux ou que je ne fais pas ci ou que je ne fais pas ça ou que je ne m'offre pas les habits qu'il faut pour être à la hauteur d'un statut ou de quelque chose. Donc, c'est aussi relié à la culpabilisation. Maintenant, ça va plus profondément et là, j'ai une petite audio qui me plaît bien, qui est une analyse plus complète des besoins. Le besoin de l'humain est vraiment très mal connu. On dit en général qu'on a des besoins dans trois domaines. Le domaine physique, les besoins de notre corps physique, les besoins psychologiques, de notre vie psychologique et affective, et des besoins existentiels. Physique. Là, c'est une évidence pour tout le monde. On a besoin de boire, manger, dormir. Hein. Alors, à côté de ces besoins phares-là, il y en a toute une série d'autres qui sont ignorés ou négligés et qui pourtant seraient urgents de réhabiliter. Parce que ce sont souvent des besoins physiques qui sont considérés comme un luxe, qu'on satisfait quand on a le temps, mais qui font que petit à petit, on entre en état de déséquilibre et puis notre santé est en jeu. La détente est un besoin de l'être humain, un besoin physique de l'être humain. Ce n'est pas une envie ou justement un luxe qu'on peut s'accorder une fois de temps en temps, c'est réellement un besoin. Psychologique. Pour un certain nombre d'entre nous, ils sont mal considérés, voire même pas perçus comme étant des besoins. Alors que un bon nombre, tout simplement, de dépressions sont liées à des situations où les personnes sont en déficit de certains besoins psychologiques, comme tout simplement le besoin d'échanger de l'affection, le besoin d'avoir des signes de reconnaissance. Quelqu'un qui, par exemple, se sent tout le temps critiqué, n'est jamais reconnu, à son travail, par exemple, au bout d'un certain nombre de mois, peut en tomber malade. Nous sommes des animaux sociaux. Comme la plupart des mammifères, on a besoin de contact, de soutien de sa communauté, de ses proches. Et si on est au travail, on a besoin de contact et de soutien de ses collègues aussi. Ça, c'est une donnée fondamentale du psychisme humain. On est fait pour avoir une vie sociale sans laquelle, de nouveau, on va avoir des signaux de déséquilibre qui, au bout d'un moment, si on ne les prend pas en considération, vont nous amener vers un état de maladie. Dans le domaine de nos besoins psychologiques, on n'a en général pas appris à comment les satisfaire. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Comment obtenir de la reconnaissance, comment obtenir de l'attention de quelqu'un, d'un proche, de son conjoint, sainement, sans entrer dans des stratégies bizarres ou tordues pour essayer d'extorquer un petit peu d'attention, un petit peu de considération. On n'apprend pas ça. Comment formuler simplement une demande pour qu'on soit dans une relation saine où on peut s'échanger des signes de reconnaissance sans attendre que l'autre devine en fait dans le fond ce dont j'ai réellement besoin. Parce que c'est ça qui va se passer la plupart du temps. C'est comme on est un peu démuni dans ce domaine-là, c'est qu'on va attendre de la part de ses proches, souvent de la part de son conjoint, qu'il devine ce dont j'ai vraiment besoin dans le fond. Et ça amène en général à beaucoup de déceptions, à beaucoup de frustrations. Existentielle. Je dirais, pour bien comprendre, on peut l'aborder par le côté négatif, par l'absence de réponse à nos besoins existentiels. Je pense qu'à notre époque, à l'heure actuelle, il y a pas mal de mal-être, pas mal d'états anxieux, sans doute des dépressions aussi, qui sont liées à un manque ou à une pauvreté de réponse à nos grandes questions existentielles. Alors c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est quoi les vraies valeurs dans lesquelles nous croyons ? C'est quel sens à notre vie ? Ça peut être aussi, mais après cette vie-ci, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on est tout seul ? Donc, ces grandes questions-là, en fait, elles existent depuis que l'humanité est sur Terre. Donc, ces questions-là sont naturelles. Et ne pas y répondre laisse des vides qui, de nouveau, peuvent amener à des déséquilibres qui nous amènent, à certains moments, vers des états vraiment de maladie. Moi, je crois que chacun doit faire de la place à ces questions-là et y trouver l'une ou l'autre manière d'y répondre. Et pour l'un, ça va être peut-être, comme pour l'instant, participer à une manifestation où on défend une valeur importante. Pour un autre, ça sera peut-être au travers d'une expression artistique, la recherche du beau. Ou un troisième, ça va peut-être être faire partie d'un groupement, d'une association où on ose aborder ces questions-là, parce que ce n'est pas toujours évident. On a une certaine pudeur à aborder ces questions de valeur ou de sens. Mais si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de choses essentielles dans sa vie. Et sur la nécessité que ce qu'on fait, attends, ça ait du sens, quoi. Sinon, il y a un sentiment de vide, d'absurde, hein, qui s'installe peu à peu et qui va faire parfois qu'on est amené à une espèce de course en avant, toujours en faire plus pour ne pas sentir le vide. Mais si un jour on s'arrête, aïe, aïe, aïe. Chères auditrices et auditeurs, d'abord, on va rappeler avec l'IA que vous pouvez intervenir sur la page Facebook de Radio Guémozo et sur la page Facebook de Ralentir pour vivre à Beau. Et en même temps, vous pouvez même appeler. Bien sûr, au 03 29 62 40 40. Voilà, avec plaisir, dans un anonymat total. Donc là, je trouve extrêmement intéressant. C'est un psychologue qui explique exactement ce phénomène des besoins. Alors, le premier, quand il parle du physique, la détente. Alors là, ça concerne l'épuisement. Effectivement, la détente est un besoin. Ben oui. Hein. C'est pas un luxe. Eh non. C'est pas un loisir. C'est un besoin de se détendre. Bon. Psychologique, alors il dit qu'effectivement, il faut des signes de reconnaissance. Donc, on est encore dans les besoins avec l'épuisement. Ah oui, oui, c'est vrai. Signe de reconnaissance, c'est qu'on n'a pas appris à, de manière saine, dire qu'on en a besoin. Besoin de reconnaissance dans le travail, dans les activités, besoin de reconnaissance dans la vie sociale. Donc, un dialogue. Donc ça, mais alors, le dernier, ça laisse perplexe. Les besoins existentiels. Alors, les vraies valeurs et le sens de notre vie. Et là, quand on entend ça, il dit que l'absence de réponse, le sentiment de vide et d'absurde nous rend complètement anxieux et dans un certain mal-être. Et qu'à ce moment-là, on en fait toujours plus et que aïe, aïe, aïe, si on s'arrête, on tombe. Et donc là, on est en plein dans l'épuisement et dans le burn-out. C'est vraiment dans les besoins qu'il y a une recherche, je dirais, psychologique à avoir. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du burn-out dans son côté physique, hein, dans son côté symptôme, dans son côté quelles seraient les relaxations à faire, les façons de vivre, les choses comme ça. Mais là, on parle d'un côté psychologique qui est primordial. Les vraies valeurs, faire partie d'associations, il y a... Entre nous, être dans une activité, par exemple, comme la tienne, où tu es directrice des programmes ici à Radio Guémozo, c'est une chose qui a une valeur pour toi. Bah bien sûr, et c'est intéressant pour juste revenir dessus, c'est que là, j'ai l'impression que ça amène les prémices, justement, au burn-out, tout ce qu'il a évoqué. C'est peut-être tous ces besoins qui vont nous amener... inconsciemment à en faire plus, à une recherche et à tomber dans le syndrome de l'épuisement. Moi, effectivement, si je ne trouve pas de sens à ce que je fais, je suis très malheureuse et je ne me sens pas bien. Si je ne me sens pas reconnue dans ce que je fais, effectivement, je vais toujours essayer d'en faire plus pour trouver cette reconnaissance-là. Parce que même si on est quelqu'un d'équilibré, je pense que dans la vie, la reconnaissance est importante pour légitimiser en fait ce qu'on fait et se dire « Ok, ce que je fais, ça a du sens pour moi et pour ceux avec qui je le fais. » Tout à fait. Et ça n'a rien, il n'y a pas de lien entre le fait d'être équilibré et la question n'est pas là. Oui. La question, elle est que on peut comprendre comme besoin, on a entendu Maslow tout à l'heure, qu'il faut qu'on mange, qu'on boive de l'eau, qu'on dorme, tout ça, d'accord. Et on a de la peine à entendre qu'il nous faut de la détente, mais qu'il nous faut de la reconnaissance. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose de primordial, comme boire, manger, dormir. Hein. Oui. Et aussi qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Alors, avoir du sens ne veut pas dire que tout va bien. Mm. Avoir du sens veut dire que quand on fait quelque chose, on sait que ce qu'on fait, pour nous, ça représente dans notre échelle de valeur quelque chose d'important. Oui. Par exemple, dans le syndrome d'épuisement, faire de l'information, pour ma part, c'est quelque chose d'essentiel parce que je suis passée par des souffrances horribles, parce que j'ai vu les dégâts que ça a fait dans ma vie privée, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. J'ai vu les dégâts que ça a fait dans ma vie sociale. Et je vois maintenant que j'en suis sortie et que je fais de la formation, je vois les dégâts que ça fait ailleurs. Et pour moi, ça a du sens d'éviter, parce qu'on peut peut-être pas éviter, mais au moins de tendre la main à des personnes qui se trouvent dans des situations comme ça. C'est important, ça a du sens. J'ai pas de conseils à donner, parce que des conseils, c'est toujours très facile à donner, mais pas très facile à suivre. Par contre, de parler de ce qui est, et c'est ce qu'il dit aussi dans le dialogue, de parler de ce à quoi c'est raccroché. C'est pour ça que ce domaine des besoins me paraissait extrêmement important, parce que on n'a pas vraiment toujours la notion de cette importance des besoins. Par rapport à ça, quelquefois, il y a des gens qui disent « Mais moi, je ne sais pas pourquoi, je ne voyais pas le burn-out me tomber dessus. » OK, et puis après, on discute avec la personne. « Ben oui, ça faisait bien 5-10 ans que je trouvais que ce que je faisais n'avait pas de sens. » Oui. Et en fait, cette personne ayant beaucoup de volonté, elle a tenu très longtemps, puis au bout d'un moment, elle a craqué. Oui. Donc je trouve aussi intéressant le fait de la reconnaissance. On est dans une société qui a beaucoup évolué. On l'a vu d'ailleurs à travers rien que les définitions des besoins. Aujourd'hui, on nous ferait penser, parce qu'on est beaucoup, entre guillemets, dans le bien-être, qu'on ne doit pas chercher la reconnaissance chez les autres, qu'on doit être bien avec soi-même, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très sociétal qui appartient vraiment à cette génération-là, alors qu'en fait, obtenir de la reconnaissance, c'est juste une nourriture exceptionnelle et ça n'a rien de déséquilibre. Tout à fait. Et je te remercie, Lia, de mettre le point là-dessus. Parce que ce que je trouve, peut-être avec la différence d'âge, c'est que les jeunes ont de la peine à se mettre en avant. Comme si on les avait tellement... cadré dans ne te montre pas, ne fais pas de vagues, on doit penser aux autres, mais nous-mêmes, on ne doit rien demander pour nous. C'est ça. Or, ça, ce n'est pas juste. Parce que même si on ne demande rien, il y a un minimum de reconnaissance. Mais oui, ça peut passer par tellement de choses, la reconnaissance. Ce n'est pas forcément se faire congratuler, entre guillemets. Quoi. Non, exactement. Non, c'est pas tout ça, c'est plutôt simplement être reconnu, ça veut dire simplement être légitimé dans ce qu'on fait. Tout à fait. Je ne m'y attendais pas, au grand départ, fermer la porte sans revenir, je sais, vous ne comprenez pas. Ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi, ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi, ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Voilà, nous sommes donc dans le sujet des besoins et aussi dans le sujet de l'épuisement. Et là, on est rentré dans un sujet qui me paraît important. D'ailleurs, ça va faire la jointure avec la prochaine audio. Des jeunes, quels sont les besoins qu'on leur a créés ? Je suis peu vieille pour parler de ça, Lia. Je pense que tu seras beaucoup plus apte que moi de dire des choses sensées à ce sujet. Alors, je ne sais pas. Mais les jeunes adolescents par rapport à TikTok, Instagram. C'est ce que je pensais, les réseaux. Voilà. Alors, ils ont ce besoin, en tout cas le besoin qui a été créé, c'est d'être déjà tout le temps alerté de tout ce qui se passe à chaque seconde, parce qu'il y a quelque chose qui a été relevé via une étude qui dit que les jeunes sont devenus addicts aux réseaux sociaux parce qu'ils ont peur de manquer une information. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils vont de façon récurrente sur les réseaux pour voir ce qui se passe socialement chez leurs amis, par exemple. Parce qu'ils ont l'impression que s'il manque une information, c'est la catastrophe. Donc, il y a ce côté immédiateté que nous, on n'avait pas avant. Déjà, on n'avait pas de téléphone portable. Si on voulait aller voir le voisin ou lui demander un truc, soit on l'appelait via le fixe, soit on allait directement toquer à sa porte. On n'était pas sûr d'ailleurs qu'il allait répondre et ce n'était pas grave. Voilà, il n'y avait pas cette notion d'immédiateté-là. Et puis, il y a aussi la visibilité et la reconnaissance qu'ils cherchent à travers l'image et la vie, entre guillemets, qu'ils dévoilent sur les réseaux sociaux. Oui, et moi, on m'a dit quelque chose. Alors justement, c'est pour ça que je te laisse parler, parce que je pense que tu en connais plus sur la question que moi, que dans ces réseaux-là, on voyait que des belles choses. Des gens beaux, avec des choses exceptionnelles. Donc, en fait, ils regardent ça en étant totalement lobotomisés, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, ils deviennent transparents à l'arrière, et ils regardent ça comme étant le modèle à suivre. Oui, c'est un petit peu ça, comme nous à l'époque, par exemple pour les critères de beauté, où on voyait la super nana affichée dans l'arrêt de bus, et ça devenait un petit peu le critère de référence de la beauté de la femme, entre guillemets. Aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux avec les jeunes, même moi, ma génération, où il faut montrer que ce qui se passe de bien dans sa vie. Ah d'accord, voilà. Oui. Après, je remarque aussi d'autres choses, si on creuse un petit peu plus loin. Après, c'est des jeunes peut-être un petit peu plus avertis, un petit peu plus ouverts, un petit peu plus mûrs, qui s'informent quand même, qui suivent des gens qui parlent de choses difficiles qu'ils ont vécues. Il y a quand même des messages qui peuvent être... voilà, des moments de vie compliqués, je pense à l'anorexie, je pense au viol, etc., qui sont dévoilés sur les réseaux pour alerter. Il y a quand même cette facette des choses-là. Il y aurait donc deux côtés, un côté plus positif et un côté plus négatif. Tout à fait. Dans l'histoire de l'immédiateté, on va en revenir à Sébastien Boller dans le bug humain, dans son bouquin Le bug humain. C'est-à-dire que nous, on est formés depuis la préhistoire avec cinq prérogatives. On a cinq choses qui nous fournissent de la dopamine, des shoots de dopamine, et entre autres, l'information. D'accord. Donc les réseaux sociaux ont pris le créneau, c'est un bon créneau, bien juteux, parce que c'est une addiction très facile à donner à l'individu. Donc c'est l'information. Il y a une overdose, effectivement. Par contre, alors où je te rejoins, il y a des côtés positifs et négatifs, et où je te rejoins, parce que dans les woofers qu'on reçoit, on a beaucoup de jeunes, et je discute beaucoup avec eux, et beaucoup ont pris des années sabbatiques, ont pris du recul. Il y a aussi une partie de la population de jeunes qui n'a pas répondu aux besoins du système ou de la consommation ou de ces choses-là, qui ont même fait un blocage total à ce genre d'informations. Et là, on a devant ces personnes, je dirais, ils ont une façon de voir qui est totalement, mais totalement différente. Vraiment... Et je pense que c'est l'évolution, hein, tout simplement. Hein. On a été plongé dans les réseaux sociaux. Déjà, la révolution d'Internet, pour ceux qui l'ont vécu, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. On nous a un petit peu emmené là-dedans, ça s'est emballé, et puis ça s'autorégule, finalement. Oui. Ça s'autorégule. On va écouter un jeune qui, lui, a changé de vie. Dimanche 12 mars 2023, Kuala Lumpur, Malaisie. Après quelques jours à Kuala Lumpur, où c'était un petit peu plus dur psychologiquement, sur le manque des proches et la solitude commençait à peser. Après 7 mois à voyager, j'ai peu à peu perdu l'envie de m'ouvrir aux autres et de découvrir de nouveaux paysages. J'arrive à saturation. C'est trop. Mais alors pourquoi j'ai voulu partir si longtemps, voir tant de pays et accumuler tant d'expériences? De mon point de vue, c'est le mix d'un tas de raisons. Une curiosité profonde de comprendre et découvrir le monde, de rencontrer de nouvelles cultures, le besoin d'accomplissement, le goût du défi, une fuite de la vie quotidienne aussi. D'un point de vue sociologique, c'est aussi un besoin qui correspond à l'idéal romantique et consumériste de notre époque. Le romantisme nous dit que, pour tirer le meilleur parti de notre potentiel humain, il nous faut multiplier autant que possible les expériences. Le consumérisme nous dit, lui, que, pour être heureux, il faut consommer autant de produits et de services que possible. C'est Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, qui nous dit ça. Même en étant parti pour une aventure qui me semblait sortir de l'ordinaire, je réalise que mes actions sont influencées par l'environnement dans lequel je vis. Ne serais-je donc que le produit de l'idéal social moderne ? Pourquoi tombons-nous toujours dans le piège du toujours plus ? Est-il impossible de vivre de façon saine et modérée à notre époque ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette vidéo. Aux racines de l'irrationalité humaine, le cerveau. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nous connaissons les effets des réseaux sociaux sur notre bien-être, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de scroller. Nous connaissons les effets destructeurs de notre mode de vie sur la planète, et pourtant rien ne change. Dans Le Bug Humain, Sébastien Boller découvre le responsable de notre irrationalité, le cerveau. Plus particulièrement, le striatum. C'est une zone du cerveau très ancienne qui motive nos actions et nos décisions en sécrétant de la dopamine, l'hormone du plaisir, lorsque l'on atteint 5 objectifs principaux. Manger, avoir des rapports sexuels, avoir un statut social et de la reconnaissance, avoir le plus d'informations possible sur notre environnement et minimiser nos efforts. Ces 5 objectifs sont hérités de notre évolution et visaient à l'origine à assurer notre survie dans un environnement hostile et peu abondant. Mais depuis, notre environnement a drastiquement évolué. Une société d'abondance axée sur l'avoir. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la rareté. Nos progrès économiques et technologiques nous offrent même un monde d'abondance dans les pays développés. Nous pouvons répondre désormais à des besoins millénaires en quelques clics. Et notre striatum est incapable de dire stop. Le besoin d'information qui servait à l'époque à récolter de l'information sur son environnement direct sert aujourd'hui à scroller sur Twitter. Au 21e siècle, on meurt davantage de suralimentation que de la faim. Par ailleurs, l'évolution économique a débouché sur une société qui valorise l'accumulation matérielle. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La deuxième moitié du XXe siècle voit émerger la société de consommation. Une société dont l'achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité. C'est un véritable style de vie basé sur la recherche de confort, de plaisir immédiat et d'accumulation matérielle qui est promue. Une aubaine pour le striatum. Il n'est plus nécessaire de se restreindre. On réalise aujourd'hui que cette quête du toujours plus n'a plus de sens et court à sa perte. Dans le cerveau, le circuit de la récompense est régi par la lassitude. C'est le principe de l'adaptation hédonique. Plus on répète une action qui nous donne du plaisir, et moins on ressent du plaisir. Alors la seule solution, c'est la nouveauté, ou augmenter les doses. C'est une course infernale et infinie qui n'a plus de sens et qui relève de l'auto-sabotage. Et on l'observe dans nos sociétés, l'insatisfaction, l'anxiété, les dépressions sont en constante augmentation. La conscience pour passer de l'avoir à l'être. S'il place essentiellement son désir dans le domaine de l'avoir, l'être humain demeurera un éternel insatisfait et restera prisonnier des pulsions de son cerveau primaire, qui ne connaît pas de limites. A l'inverse, si nous sommes davantage mus par un accroissement de notre être, nous ne sommes jamais ni frustrés ni insatisfaits. La connaissance, l'amour, la contemplation de la beauté, le progrès intérieur nous comblent sans jamais nous donner ce sentiment de frustration typique des désirs orientés vers l'avoir. Frédéric Lenoir. Nous vivons une lutte interne constante entre notre striatum, qui est à l'origine de nos besoins profonds et de nos recherches de plaisir immédiat, et le cortex cérébral, qui est la partie rationnelle de notre cerveau, qui crée de la conscience, de l'abstraction, et qui arrive à planifier l'avenir. C'est le cortex cérébral qui nous permet d'anticiper les effets à long terme de nos actions. Nous avons une chance, notre cerveau est plastique. Nous pouvons agir pour développer notre conscience et réfléchir davantage au sens de nos actions. L'idée n'est pas de brider nos désirs, mais de les orienter vers un but qui nous dépasse et qui fait sens pour nous. Les buts conditionnés par la société peuvent être nocifs dans la mesure où ils sont orientés vers l'avoir. Nous pouvons faire évoluer nos comportements et nos désirs si nous établissons de nouveaux buts orientés vers l'être plutôt que vers l'avoir. Le psychothérapeute Alfred Adler estime que le véritable bonheur provient de notre sentiment de contribution au monde qui nous entoure. Être utile à quelqu'un et apporter sa contribution à la communauté nous fait ressentir notre valeur intrinsèque et nous apporte de la joie. Plus nous avons le sentiment de contribuer, plus nous sommes libres de devenir pleinement nous-mêmes, sans nous soucier du regard des autres. La volonté d'apporter sa contribution est donc un but supérieur, qui permet de cheminer vers soi-même, tout en évitant les pièges de la société consumériste moderne. C'est une piste parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, le temps est venu d'explorer de nouvelles façons de vivre, pour ne plus subir les conséquences de l'hédonisme matérialiste et déraisonné, caractéristique de notre époque. Sauf erreur, il a 25 ans, ce jeune homme. À part le fait qu'il a un débit de parole qui est assez phénoménal, mais bon, sa vidéo, son audio fait déjà 5 minutes, donc je pense que s'il faisait plus longtemps, ça faisait 10 minutes. Or, c'est filmé, ça, normalement, non ? Oui. Parce que tu sais, quand on a un visuel derrière, c'est en fait, c'est un petit peu ce qu'on doit faire, parler vite. Et du coup, ils mettent des sous-titres, etc. Ouais, c'est les codes. Ouais. Mais du coup, pour parler un petit peu du fait de contrer l'emballage sociétal sur nos propres besoins. T'as compris, il y a dit, ouais. Parce que bon, ça, c'est la vieille mamie qui te répond. 66 ans, ça commence à faire vieux. Oh. Oui, je suis d'accord. Moi, je reprends ma respiration pour parler. Oui. Je dis un mot après l'autre. Alors, effectivement, je ne suis plus d'époque. On est d'accord, je suis comme les vieux chandeliers sur la cheminée. Bah, disons qu'à la radio, c'est ce qu'il faut faire. Mais, je ne sais pas. Mais voilà, en vidéo, c'est différent. Par contre, on entend bien quand même une génération qui voudrait faire des choses qui ont du sens. Et ce qui m'a vraiment surpris chez ce jeune, c'est qu'il a fait un espèce de tour du monde, comme font beaucoup, pour à un moment donné dire « Mais attends, je suis tout autant dans le consumérisme. » Et tout à fait. C'est dingue. Hein. Mais oui. Parce que ça aussi, il faut prendre conscience des besoins et voir aussi qu'il y a du consumérisme qui existe et qui met du stress et de la pression, qui est « je dois être ici, là, il y a un bal ici, un festival là, un marché ici. » Enfin bref, je vois avec mes propres enfants la rareté des dimanches qui passent à ne rien faire à la maison. Mais oui. Mon fils a gardé ça encore de temps en temps. Quand je l'appelle, je lui dis « Vous avez fait quoi ?»« Eh bien, maman, ce dimanche, nous n'avons rien fait. » Très bien, mais c'est rare. Il y a ce besoin de combler le vide. Mais on en reviendrait à ce psychologue qui disait qu'en fait, on en fait toujours plus pour combler le vide. Donc, on retourne la crêpe. Il faut que la vie ait un certain sens et une certaine perspective, qu'on sache vraiment pourquoi on fait les choses. C'est vrai que c'était plus simple dans le temps, parce que tu habitais dans une ferme à la campagne, te poser la question du sens, c'était relativement inutile. Pourquoi ? Parce que tu allais bêcher ton jardin pour planter tes oignons et tes carottes, il n'y avait pas trop de questions à te poser si tu voulais avoir quelque chose dans ton assiette. Eh ben, c'était pas du tout la même, on vivait pas du tout en quête de sens, on vivait c'était pour vivre, quoi. C'est ça. Il y avait, c'est ce qu'on appelle les besoins primaires. Tout à fait. Il fallait combler les besoins primaires et c'était, il n'y avait pas tellement de questionnements. Alors, est-ce que toute civilisation, j'ai un ami qui m'a posé cette question cette semaine, est-ce que toute civilisation passée 2000 ans, bon, les Égyptiens, ça fait 4000 ans, mais en gros, passé un certain laps de temps, est-ce que toute civilisation ne trouve pas l'issue de secours à ce problème de sens ? Parce que ça a été le problème de beaucoup de civilisations. Hein. Mais oui, je pense que, comme on l'a dit, hein, ça s'autorégule et puis c'est un petit peu un cercle perpétuel qui se répète. Oui, et on serait donc en fin de processus. Alors, bon, ça peut mettre 200-300 ans, hein, on se calme sa joie. Hein. Non, mais je ne vous dis pas que demain matin, tout va s'écrouler, quoique c'est possible. Mais enfin, voilà. De toute façon, pour moi, je pense que l'homme arrivera à sa propre fin, comme toutes les espèces. Non, puis soit on revient à, je dirais, des besoins, si ce n'est primaire, au moins essentiel, ou en tout cas, qui ait du sens. Tout à fait. Et alors, à ce moment-là, on aura peut-être passé un petit peu ce 21e siècle, on aura fait un pas en avant. Soit pas, puis à ce moment-là, ça n'aura aucun sens. Mais je pense que de n'avoir aucun sens, c'est un suicide collectif auquel il faudra s'attendre. Tout à fait. Je rebondis juste sur ce que tu as dit avant, par rapport au fait de ne rien faire, de combler le vide. Moi, j'ai un ami qui me dit, même quand je n'ai pas envie les week-ends, je suis chez moi, je me force à faire quelque chose. Ouais. Je me force à aller au cinéma, je me force à sortir en ville, voir du monde. Ouais. Mais pourquoi faire ? Je ne sais pas. Je sais pas. Pour ne pas se retrouver en face de soi-même. Oui, probablement. Ça dépend si on a des activités artistiques comme toi, par exemple, qui écrit, Lia. D'ailleurs, on attend prochainement ta publication de ton livre de poèmes. Hein. Non, mais on l'attend, hein, chers auditrices, auditeurs. Je vous le dis quand même parce que je piétine. Là, c'est un besoin qu'a Lia et j'aimerais qu'elle y réponde à ce besoin. Ou pour ma part, je peins ou je brode. Hein. C'est des choses que j'aime faire parce que c'est des choses méditatives et qui me font du bien, ou de la promenade en forêt. Qui ont du sens, oui, ne serait-ce que le sens de me lever le matin en me disant « je suis heureuse d'être vivante ». Ah, ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Oh, que oui. Voilà, une petite pause musicale. fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement. Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis un oiseau, j'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Voilà. On peut dire que dans la perte de sens, il y a tout un volet de l'épuisement qui est à prendre en compte. La perte de sens peut mener à retourner la violence contre soi. Et je lisais, là j'ai cherché mais je n'ai pas retrouvé, je lisais que cette année 2024, il y a plus de suicides que jamais en France. Et il y en a de plus en plus à travers le monde, et des jeunes, surtout des très jeunes. Donc je pense que la perte de sens n'est pas à prendre à la légère, et que ça demande quand même à ce qu'on réfléchisse. Alors, quelquefois, quand on parle de sens, il y a des personnes très terre à terre qui vont dire « Oui, mais on doit bien gagner sa vie ». Je vois un regard très perplexe chez Lia. J'aime beaucoup son regard perplexe. Quand je lance un truc comme ça, parce qu'elle s'y attend jamais, hein, on est un duo qui gagne, c'est pas pour rire. Donc voilà, quand je lance ça, elle me regarde d'un air perplexe de se dire oui, mais... Ben oui, c'est un petit peu dommage en fait. Mais après, bien sûr, on comprend ça parce que on est dans une société où on ne peut se passer de l'argent, où tout coûte de toute façon plus cher. Mais effectivement, il y a des besoins qui sont créés dont nous n'avons pas vraiment besoin. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aussi un petit peu réfléchir, connaître ses priorités. Et encore une fois, être en vie, ça n'a pas de prix. C'est ça. On peut avoir toute la matière et toutes les choses que l'on veut. Si c'est au final ne pas avoir de sens, ne pas être heureux et mettre fin à ses jours, c'est un peu... C'est ça. Moche. Et dans le côté existentiel, parce que il y a une chose, alors moi c'est une anecdote, hein, mais depuis que j'ai fait mon burn-out il y a 20 ans, je ne suis plus allée dans les magasins de mode ni acheter quoi que ce soit comme habit. J'ai découvert les deuxièmes mains en premier lieu. Un très, très beau truc, hein. Alors vraiment, la classe, quoi. Vive la fripe. Ah ben oui, Ah, mais réellement, quoi. Et moi, qui étais un peu excentrique, ça m'a bien plu parce que j'ai pu m'habiller d'une façon un petit peu différente. Oui. Il y avait un côté vintage et tout. Et puis alors, depuis que je suis revenue, puisque j'étais à l'étranger, depuis que je suis revenue en France, alors les gratuiteries, mais c'est phénoménal. Mais bien sûr. Mais phénoménal, les habits qu'on trouve dans les gratuiteries. Et des beaux habits, hein. Attention, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Donc là, pour moi, ça a été un poste qui a été avec une croix. Après, y avait d'autres choses que j'ai éliminées qui faisaient partie de ce changement de paradigme, de concept de vie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui dit « vivre simplement pour simplement vivre, pour simplement laisser le droit aux autres de vivre aussi ». C'est important. Parce que ça, simplement vivre... Alors, ce petit monsieur qu'on a enregistré, qui va avoir 101 ans demain, d'ailleurs. Hein, oui. Si jamais, voilà. Incroyable. Et qui disait, quand je lui ai demandé le message, c'est sa fille qui a dit, tu as répondu ça la dernière fois qu'on t'a posé la question. Et bien, lui, il disait, en fait, la vie, c'est simplement vivre. Simplement vivre. Alors... on a de nouveau tout ce carcan sociétal qui nous dit « tu dois être le meilleur, tu dois faire la une des journaux, des réseaux, des ci, des ça ». Oui, et la question est de savoir qu'est-ce que ça amène vraiment. Alors, j'espère que ce genre de courant va s'étioler avec les années et que les enfants de nos enfants ne seront pas pris là-dedans parce que c'est quand même... à mon avis, un mauvais coton. On se fixe des objectifs de vie où on a l'impression que quand on commence sa vie d'adulte, de jeune adulte, même fin de l'enfance, quand on nous dirige vers les études ou qu'on prend une voie, c'est pour atteindre un objectif de vie bien précis, par exemple professionnel. Il y a des objectifs aussi personnels, hein, avoir un mari, des enfants, ça existe encore. Pour les objectifs professionnels, en tout cas, chaque jour, on œuvre de plus en plus pour atteindre cet objectif de vie qui peut-être d'ailleurs ne se fera jamais. Si on est à un moment donné victime d'épuisement, ben dans tous les cas, il faudra repenser les choses. Mais la vie est tellement rapide. Quand la vie commence à passer, qu'on prend un petit peu de recul sur les choses ou qu'on voit nos aînés disparaître, discute avec eux, on comprendra très rapidement que la vie pour eux s'est déroulée d'un claquement de doigts. Donc en fait, toute notre vie, on va œuvrer, on va donner son énergie pour atteindre un objectif que peut-être on n'atteindra pas, alors qu'en fait, la vie passe à toute allure. C'est ça. Et c'est une course sans fin. Alors, des objectifs, c'est important d'en avoir, mais la vie est bien trop courte pour se laisser mener par ça. Ben oui. Moi, je pense, oui. Je pense que là, on doit vraiment revisiter la façon d'être, le comportement. D'ailleurs, il y a Alaïa Pines dans son livre qui était de 1984 au sujet du burn-out, disait que... en fait, sortir du phénomène de l'épuisement, il y a des personnes dans les ateliers qu'elle a menés, c'était une psychologue, elle disait, il y a des personnes qui ont l'impression qu'on leur dit, tu dois être différent de ce que tu es, parce que c'est tellement ancré en nous, cette façon de fonctionner, d'être le meilleur des meilleurs, d'être compétition, concurrence, d'être toujours mis en avant, avec toujours cette pression sous-jacente, que quand on lui dit, mais tu sais, on peut aussi vivre autrement, hein, avec des besoins comblés d'ailleurs, tout à fait, mais en n'étant pas dans la compétition, ni dans la concurrence et tout, elle a l'impression de se déshabiller, d'être toute nue et de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, je pense qu'on doit déconstruire fondamentalement ce dictat qui est donné par la société de suivre ce côté, être le meilleur, statut social, accumulation de biens inutiles, factices et superficiels, hein, je reprendrai le dictionnaire. Donc voilà, je pense qu'on doit vraiment sortir de là et que la génération suivante va sortir plus ou moins de là. D'ailleurs, on voit les jeunes entre 20 et 25 ans, beaucoup ne travaillent pas à 100%. Moi, je l'ai vu, hein. Oui, c'est vrai. Ils ont envie d'autre chose. Ouais, ouais, ils ont envie d'autre chose, oui. On va faire une dernière petite pause musicale et on vous dira au revoir ensuite. Gang. Boulot. Dans la ville, je suis toujours OP. Ligue plavant, je peux pas me louper. L-A-M-A-N-O, fit F-A-V-E. Le Opsi boîte, il va grimer ma repée. 25 alvirement, je reçois, je refais. Pas de démon quand je vois mon reflet. Appel anonyme, ça veut me convoquer. Je sais qu'il y a mon blason rouge, j'ai ce qui je l'ai pas rappelé. J'allume un bazooka, j'avoue, c'est toxique. Tire une balle et ton pote s'écarte. Il a ta chance, il a que les séquelles. La mano favé. Dans vos mères, j'envoyais que du favé. Madame, c'est les favés, là, tout le monde est favé. Fais du gras pour moi-même ou pour les DVM. 2-3 stats, mais répondent pas en DM. J'ai pas changé, pourtant que je remplis mon teubon. Ce qu'on a vu dehors, c'était noir, c'était réel. Transaction devant le bac. Bolos reste pas dans mes pattes. Arrête tes gangs, gravé sur mes bacs. Encore une motif, mon bigot, il bug. Hop, son prod, des commotions cérébrales. Donc je suis pas numéro 1, nigo, y'a R à célébrer. J'la fous dans mes céréales. Essaye de sortir la tête, tu te fais ta clé comme en série. J'allume un pétard, no stress. Grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse. J'allume un pétard, no stress. Grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse. J'déboule en direct, je suis tombé du ciel. M'arrête pas si dans mon code j'ai pas CM. Avec la choc. Elle est trop dans mes DM. Hops, et si l'eau chier dans la sieste. Même après minuit, on fait pas la sieste. J'ai la recette, c'est moi le numéro 7. T'es bon avant, mais tu t'es fait citer. Gras, m'en demande pas trop. Manque pas de respect, c'est nous les patrons. J'récupère l'auto, je les vois dans mon rétro. New high, je le veux sur mon poignet. Cali violente, ça fait planer. J'suis parti de rien, disque d'or, il le fallait. J'entends des maudits, y'a que les vrais bandits qui traînent à la tête. Visez la pointe, j'oublie pas les latex. Augmente le volume du son à la caisse. J'ai dormi dans des taudis. Chaque semaine, tu me trouves à une nouvelle adresse. Le son, il est chaud, il fait brûler ta graisse. Je pouvais les éteindre, je me suis dit, vas-y, laisse. Hop, ça provoque des commotions cérébrales. Donc, j'suis pas le numéro 1, nigo, y'a R à célébrer. Que j'la fous dans mes céréales. Essaye de sortir la tête, tu me fais ta clé comme en série. J'allume un pétard, no stress. Grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse. J'allume un pétard, no stress. Grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, c'est une réflexion d'avoir ce côté. Quels sont nos réels besoins? Qu'on a démarré par cette fameuse définition. Si vous avez un Larousse illustré de 2004, n'hésitez pas à aller voir. C'est écrit très petit, prenez une loupe et vous verrez, c'est intéressant. Et je ne pense pas que vous en ayez des années avant, mais c'est aussi intéressant de voir l'évolution. Donc, quels sont nos réels besoins? Et celui que je retiendrai avant tout, c'est le dernier, c'est celui d'avoir du sens et de la reconnaissance. On s'écrit une petite chanson avec ça ? Avoir du sens et de la reconnaissance. Tout à fait. Voilà, je pense que l'accomplissement d'une vie passe par le fait d'être reconnu. Seulement, ce qui passe sous ce mot reconnaissance et être reconnu, c'est en double fond. Le côté des selfies, des trucs de réseau, donc on a l'impression que ça sent un peu pas bon. On se dit, ouais, mais c'est des égos mal surdimensionnés. Non, on ne parle pas de ce genre de reconnaissance. On parle d'une saine, d'une claire, d'une sympathique, d'une bienveillante, d'un merci d'exister, d'un merci de ce que vous faites, des efforts que vous faites. Ça, tout employeur actuellement devrait avoir le devoir de le dire à ses employés, parce qu'il serait qui sans ses employés ? Personne. Mais oui. Donc ça, c'est important, la reconnaissance. Donc voilà. Mais oui, tout à fait. Voilà. Là, je cherchais, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Ah oui, je l'ai trouvé. Ah voilà. Je vais vous lire la définition pour terminer ce sujet de la société de consommation de 2024 du Larousse. Parce que vous avez entendu, en 2004, c'était pour faire fonctionner l'économie, la consommation est érigée en impératif au détriment de toute autre exigence humaine. En 80, on disait oui, mais c'était pour des besoins. Après, les besoins primaires, c'est des besoins secondaires qui étaient factices. En 73, on disait superficiel et inutile. Bon, d'accord. Alors, en 2024, voilà la définition. Là, je pense qu'il y a eu quand même la censure qui est passée et puis ils ont rectifié le petit truc. Société de consommation d'un pays, société d'un pays développé, orienté vers la sollicitation de la consommation grâce à la publicité et des consommateurs par les producteurs, par le lancement de produits ou de services nouveaux en créant sans cesse des nouveaux besoins. Voilà. C'est plus doux. C'est plus soft. C'est un petit peu plus light, effectivement. Voilà. Par contre, je vais laisser apparaître peut-être aux auditrices et auditeurs mon côté un petit peu, des fois, pavé dans la mare. Je trouve que, personnellement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais pas dans le cadre de Ralentir pour vivre, mais là, je le dis pour moi, personnellement, à quand le procès de Nuremberg du marketing ? Ah, ça. Là, alors, je reconnais que je ne les aime. C'est pas que je les aime pas, parce qu'il y a des gens qui font ce métier qui sont des très belles personnes, j'en doute pas. Mais manipuler les gens dans leurs neurones pour qu'ils achètent, pour ma part, ça me gêne. Il y a un petit problème d'éthique, effectivement. Voilà, dans les besoins. Donc, réfléchissons bien à nos besoins. Quels sont ceux qu'on nous inculque à coups de marteau et quels sont ceux qui sont vraiment réels? Alors, à dans 15 jours pour un sujet surprise, oui. L'IA, voilà. Oui. On se réjouit de se retrouver. Tout à fait. En attendant, bonne fin de semaine à tous, auditrices et auditeurs. Et oui, à bientôt. À bientôt.